Chapitre 11e. Felden se rendait à cheval chez sa fiancée. Lorsqu'aux approches de sa demeure, il rencontra le père de Charlotte et demanda de ses nouvelles. « Elle n'est pas mieux, » dit le vieillard. « Venez la voir. » Charlotte était assise à une table et lisait la Bible. Quand son père lui annonça que Felden était là et demandait à être introduit, elle pâlit, frissonna. Bientôt son père sortira et elle se trouva seule avec Felden. Il la contempla un moment en silence. Son attitude, qu'elle n'avait pas changée pour le saluer, était pleine de langueur. Ses traits amaigris avaient pris une expression plus élevée, et sans rien perdre de leur beauté, ils avaient acquis un caractère plus idéal. Quoiqu'elle eût à peine prononcé quelques mots, il était facile de voir, aux mouvements agités de son sein, que la présence de Felden lui causait une vive émotion. « Charlotte, lui dit-il, quand le baron, sa femme et ses deux filles furent sortis de la chambre, « n'avez-vous rien de plus à me dire que ce que vous m'avez dit la dernière fois ?»« Rien, » répondit-elle. « Ainsi vous persistez dans votre résolution. Mes prières, mes remontrances n'ont pu vous toucher. Vous aimez mieux suivre votre caprice. »« Mon caprice, monsieur Felden, » répliqua Charlotte. « Ce n'est point un caprice, c'est une détermination sérieuse, réfléchie et surtout immuable. » Mais donnez-moi une raison. Faites-moi entrevoir l'ombre d'un motif. S'il existe un empêchement que j'ignore, je le surmonterai, je l'écarterai, j'en triompherai d'une manière ou d'une autre. Et si je n'en triomphe pas, je saurai du moins à quoi attribuer votre refus. Je vous l'ai dit, je vous le répète, je ne puis, je ne veux pas être votre femme. Votre obstination me désole. Changer ainsi dans l'espace de quelques mois, me rejeter, moi, votre ami éprouvé, moi, votre fiancé depuis tant d'années, et dont vous aviez souffert les soins sans répugnance, sinon avec plaisir, cela n'est pas naturel. Il y a là sûrement quelque aberration d'esprit ou de cœur que je ne m'explique pas. Le temps et ma vive affection y porteront remède. En attendant, je ne puis sacrifier mon bonheur et les espérances de nos deux familles sans savoir pourquoi. Voyons, Charlotte, ouvrez-moi votre âme, confiez-moi. Charlotte secoua la tête en signe de refus. Felden rapprocha sa chaise de la sienne et baissant la voix, « Est-ce qu'il sera vrai que vous en aimeriez un autre ?» lui dit-il. « Quel autre ?» demanda Charlotte. « Quelqu'un que vous n'oseriez avouer. »« On peut donc aimer quelqu'un que l'on ose avouer. »« Eh bien, révélez-moi son nom. »« Je n'ai aucune révélation à faire. »« Je n'ai d'amour pour personne. »« Ah, c'est à devenir fou !» s'écria Felden en se levant et parcourant la chambre à grands pas. Tout à coup, il s'arrêta en face de Charlotte, qui le regardait d'un air timide et inquiet. « On le dit pourtant dans le monde, » reprit-il. « Que dit-on ? » demanda encore Charlotte. « Que vous avez au cœur une passion secrète et indigne de vous, et que c'est là la cause de vos refus. »« Juste ciel !» s'écria Charlotte en se levant tout à coup. Mais ses forces l'abandonnèrent aussitôt, et elle retomba épuisée. « C'est une calomnie, » ajouta-t-elle, « une odieuse calomnie. »« Quoi ? » reprit Felden d'un ton plus doux. « Il n'existe personne que vous désiriez épouser plutôt que moi ? Personne, je vous le jure. Pas même Mario, le comte de Mangan ?»« Le comte de Mangan ?» répéta Charlotte d'un air étonné. « Je ne me souviens pas. Ce jeune homme que j'ai amené dernièrement ici, je l'ai vu à peine, je n'ai pas fait attention à lui. Mais alors, quel est donc votre dessein ? Voulez-vous embrasser la religion catholique et vous enfermer dans un couvent ?»« Point du tout, » répliqua Charlotte qui rougit à ces mots. « En effet, » continua Felden, « ce serait pitié que de vous voir consumer votre jeunesse dans un cloître. Mais enfin, quels sont vos projets? Que prétendez-vous devenir ?»« Je n'ai point de projet. Je deviendrai ce qu'il plaira à Dieu. »« C'est impossible. Confiez-vous à moi. Je parlerai à vos amis, à vos parents. Je... Hélas, monsieur Felden, que pourriez-vous faire en ma faveur? Mon père, vous le connaissez, c'est le meilleur des hommes. Il veut tout ce que veut ma mère. Et ma mère n'a d'autre chose en tête que de me marier. Je suis pauvre, dit-elle, et il faut me pourvoir d'un bon mari. Je nuis, par ma présence, à l'établissement de mes sœurs, qu'on trouve moins jolie. Votre mère a raison, pourquoi ne vous mariez-vous pas? Parce que la seule idée m'en fait horreur. Si j'avais pu m'y résigner, c'est vous, monsieur Felden, que j'aurais choisi, vous que je connais, que j'estime, et qui, je crois, avez pour moi de l'affection, mais, eh bien, achevez. Je n'ai pu m'y résigner, et je vous demande, monsieur Felden, de me dégager de ma promesse, de me rendre ma parole et de renoncer à moi. c'est la plus grande preuve d'amitié que j'attende de vous. » Ici, Charlotte se tourna à demi vers Felden. Son attitude était suppliante. Felden garda un moment le silence, lui-même était extrêmement ému. « Votre conduite est bien extraordinaire, » balbutia-t-il enfin. « Elle est inconcevable. Elle m'afflige d'autant plus que je ne saurais me l'expliquer. Renoncer à vous, j'y consens, puisque vous l'exigez. « Oh, je vous remercie, monsieur Felden, » dit Charlotte avec effusion. « Je vous remercie mille fois. » « Si pourtant, » ajouta Felden, « vous vouliez me donner une raison, me dire... « Que vous dirais-je? Je ne me comprends pas moi-même. « Je ne vous demande qu'une chose. « Est-ce un homme qui vous a fait changer des résolutions ?»« Toujours votre idée fixe, » répondit Charlotte avec un sourire languissant, qui annonçait un commencement de confiance. « Non, ce n'est pas un homme, c'est une femme. » « Une femme? Et laquelle ?»« La comtesse Obernau. »« Faustine ? » ?»« Elle-même. » »« Écoutez-moi, monsieur Felden. Je veux bien vous révéler mon secret, car c'est un secret. Et vous ne me trahirez pas. Je l'ai rencontrée l'hiver dernier à un bal. Et au premier aspect, j'ai éprouvé pour elle une entraînante sympathie. J'ai admiré sa démarche, sa manière de danser et de se tenir. J'ai écouté le son de sa voix. J'ai recueilli tout ce qu'elle disait. Mes yeux ne l'ont pas quitté un instant. C'est elle que j'aime. C'est auprès d'elle que je souhaiterais de passer ma vie, être sa servante, son esclave. Voilà mon ambition. Dès lors, j'ai pris en dégoût le mariage. L'idée d'appartenir à un homme m'est devenue insupportable. La comtesse Obernau n'est pas mariée. Elle l'a été, répondit Felden, qui restait confondu de cette confidence. Mais elle ne l'est plus, et ne songe pas à contracter d'autres liens. Ce que l'on raconte de son union secrète avec le baron Andlau n'est pas vrai. « Je ne crois pas, j'ignore, » dit Felden en hésitant. « La comtesse est sans doute très aimable, très spirituelle. C'est une de ces femmes supérieures qui s'affranchissent des règles communes. Toutefois, je ne pense pas qu'il soit donné aux autres. De la prendre impunément pour modèle, ce serait même dangereux. »« Ce n'est point là la question pour moi, » interrompit vivement Charlotte. « Mais, monsieur Felden, qu'il serait doux de se faire aimer d'une telle femme, de former avec elle une liaison étroite, d'être admise dans son intimité, de respirer le même air, de vivre des mêmes pensées. Ma chère Charlotte, écoutez-moi à votre tour, et souffrez que je vous appelle encore une fois de ce nom. L'engouement dont vous vous êtes prise pour la comtesse Obernau vous égare. C'est un sentiment romanesque, une exaltation de jeune fille, et qui passera avec le temps. Je suis tranquille à ce sujet. Vous verrez la comtesse. Je verrai la comtesse Obernau, » s'écria Charlotte, dont toute la contenance devint radieuse. « Oui, je lui demanderai pour vous la permission de lui rendre visite. Elle y consentira volontiers. Vous ferez connaissance. Cela jettera de la distraction dans la vie monotone que vous menez. Obtenez cette permission, monsieur Felden, et je vous serai à jamais reconnaissante. Mais, » ajouta Felden, « je dois vous mettre en garde contre une chose. Ces femmes éblouissantes d'esprit et de beauté sont faites pour étonner plutôt que pour plaire, pour être admirées plutôt que pour être aimées. Et comme je vous le disais, il est dangereux de les prendre pour modèle et de se régler sur leur conduite. Voyez, la comtesse Obernau, nul et pas même le baron n'a le courage de l'épouser. Tant mieux pour elle, » s'écria naïvement Charlotte. Tant mieux soit, mais aussi tant mieux pour ceux qui ont la prudence de l'admirer de loin et de ne pas unir leur destinée à la sienne. Pour aimer de telles femmes, pour les épouser surtout, il faut qu'un homme fasse une abnégation complète de lui-même, qu'il mette de côté toute dignité, tout amour-propre. Car auprès d'elle, il risque de passer inaperçu, de paraître laid et stupide, de ne compter pour rien, d'être annihilé, d'être comme s'il n'existait pas. Vous conviendrez que c'est humiliant. « Pardon, monsieur Felden, » s'écria Charlotte avec une animation qui colora de nouveau ses traits. « Ce langage est celui d'un homme faible et vain, jaloux de la supériorité de sa femme, et qui, craignant de ne pouvoir s'élever à son niveau, voudrait la rabaisser au sien. Un homme vraiment digne de ce titre est au-dessus de ses mesquines susceptibilités. Il sait toujours se maintenir au rang qu'il doit occuper. » Felden, étourdi de cette vive riposte à laquelle il ne s'attendait pas de la part de Charlotte, ne jugea pas à propos de continuer la discussion. Il lui promit de nouveau d'obtenir pour elle la permission de visiter Faustine, et sur cette promesse, ils se séparèrent en meilleurs termes qu'ils ne l'avaient fait depuis longtemps. « Allons, allons, » pensait Felden en regagnant la ville. « Tout n'est pas encore désespéré. Charlotte n'aime personne. Cette affection séraphique pour une femme plaît à son âme virginale. ce n'est qu'une bouffée d'imagination. Faustine professe d'étranges maximes sur les devoirs sociaux, mais en somme elle n'est nullement romanesque. Charlotte, auprès d'elle, se guérira de son accès de sentimentalisme qui lui est venu je ne sais comment. C'est une excellente fille à tout prendre, elle me ressemble. Elle n'est, de sa nature, nullement vaporeuse et exaltée. Elle finira par remplir sa vocation, qui est de faire une bonne mère de famille.